Activité 6. Dans notre émission Cuisine Plus, nous recevons aujourd'hui Jean-Pierre Coiffe, le cuisinier préféré des Français. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Jean-Pierre, vous allez bientôt sortir un nouveau livre, non ? Oui, tout à fait. Il va sortir le 17 juin prochain. Alors, parlez-nous un peu de ce livre. J'ai regroupé dans ce livre toutes mes recettes françaises préférées. Des plats traditionnels et des desserts. Comme la tarte au citron, mon dessert préféré. Des recettes faciles à faire pour un débutant comme moi ? Oui, des recettes très faciles à réaliser et bon marché. C'est très important pour moi de proposer des recettes simples et pas chères. Et vous serez au Salon du Livre le 27 juin pour rencontrer vos fans et dédicacer votre livre. Merci Jean-Pierre.